l'histoire des risques psychosociaux ou de la souffrance ou des catégories qui ont été utilisées pour tenter d'en rendre compte et de les mettre en forme est riche d'étiquettes diverses qui ont décrit à un moment donné, dans un milieu social particulier, une forme spécifique de souffrance, de mal-être, plus ou moins liée au travail. J'en citerai très rapidement deux pour en parler un petit peu. Je pourrais en citer beaucoup plus. J'avais commis il y a quelque temps un petit glossaire des différents termes, avec une volonté un petit peu ironique ou de prise de distance par rapport à ces termes. Alors, le premier terme que j'évoquerai, c'est celui de neurasthénie. Neurasthénie, qui est un terme inventé par un neurologue américain à la fin du 19e siècle et qui chercherait, selon lui, à rendre compte d'une forme de fatigue ou d'épuisement nerveux moderne qui serait caractéristique de la vie américaine et notamment de la vie des hommes d'affaires, toujours pressés par le temps, toujours en train de se dépêcher, de courir après leur activité. Cette notion de neurasthénie a été reprise quelques années plus tard dans la psychiatrie européenne et a été là aussi largement associée aux milieux sociaux les plus aisés et les plus favorisés. Il faut savoir que le terme de neurasthénie a commencé à connaître une sorte de déclin ou d'oubli ou de recul dans la géographie occidentale à partir du moment où deux évolutions se sont fait jour. La première, où l'origine de la maladie, qui est au départ supposée être une origine organique, certains médecins supposaient par exemple que c'était des questions de micro-traumatisme du système nerveux, qui pouvaient être à l'origine d'une déperdition excessive d'énergie. On passe donc d'une explication de type organique à une explication de type psychologique. Les travaux de Freud et d'autres participent à cette psychologisation, si on peut dire, de la neurasthénie. Et dès lors, la maladie, ou en tout cas l'étiquette, apparaît peut-être aux yeux des patients aisés qui se la voyaient parfois accolée comme plus problématique, voire peut-être stigmatisante, puisqu'elle pourrait refléter, ou en tout cas c'est comme ça qu'ils pouvaient l'envisager ou le penser, une forme de fragilité psychologique et non pas un trouble organique dont il n'était absolument pas responsable. L'autre évolution également, qui va participer au déclin historique de cette catégorie dans la psychiatrie occidentale, c'est le fait que de plus en plus de médecins vont s'intéresser au fait que la neurasthénie ne toucherait pas finalement que les catégories sociales aisées et favorisées, mais qu'on la trouverait autant, si ce n'est plus, dans des catégories sociales plus modestes. Des travaux à partir du début du XXe siècle en France qui s'intéressent à la neurasthénie des paysans. On va avoir des travaux fin 19e, début 20e en Allemagne, c'est pas un hasard que ce soit l'Allemagne, dans la mesure où il y a ces premiers pays où il y a un système d'assurance maladie pour les ouvriers, où certains médecins avancent que peut-être la neurasthénie est plus courante chez les ouvriers que chez les bourgeois, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé dans la médecine de leur époque. Alors, l'autre étiquette que je voudrais rapidement évoquer pour montrer un petit peu les divergences et les points communs, c'est le syndrome de fatigue chronique. On a parfois appelé de façon ironique le syndrome des youppies. Là encore, youppies pour les young urban people, un peu des jeunes cadres dynamiques, branchés, aisés à la pointe de la vie sociale. Là encore, des explications d'origine essentiellement organiques. On a cherché un problème d'infection post-virale ou, dans d'autres théories, un problème de dysfonctionnement musculaire. Et là encore, on retrouve un peu le cocktail qu'on avait pu avoir avec la neurasthénie, des catégories aisées. Les malades sont souvent des gens appartenant aux catégories supérieures, notamment plus des professions intellectuelles d'ailleurs que les cadres du privé. Et là aussi, une explication d'ordre organique qui séduit dans la mesure où, aux yeux des malades, elle montre bien qu'on n'a pas affaire à un manque de personnalité ou une faiblesse psychologique, mais bien à quelque chose qui vous tombe dessus. C'est ce qu'on entend souvent, qu'on lit plutôt, c'est précis, sur les sites de malades. Je fais beaucoup de travail sur les sites de malades anglo-saxons. Et il est souvent évoqué comment cette maladie n'a rien à voir avec la personnalité de celui qui est malade C'est vraiment contre sa volonté, c'est très largement mis en avant dans les témoignages, qu'elle ne peut pas remplir tout ce qu'elle faisait avant, être hyperactive comme elle l'était précédemment. Alors, ces deux exemples montrent, de façon un peu rapide et un peu caricaturale, mais que à la fois les étiquettes peuvent avoir un succès relatif dans des milieux sociaux ou à des époques différentes. La neurasthénie correspondait bien à l'engouement pour tout ce qui était étude du système nerveux, des phénomènes électriques liés au système nerveux, notamment dans les premiers travaux sur la neurasthénie. On a cherché par des formes d'électrification, d'ailleurs, à guérir ou de magnétisme, à guérir la neurasthénie à la fin du 19e. Comment le syndrome de fatigue chronique correspond aussi à une époque particulière, avec la découverte de maladies post-virales, avec des intérêts autour des effets sur l'appareil immunitaire des virus, mais également correspondent à une situation sociale bien précise, celle dans le monde anglo-saxon, de cadres dynamiques qui ont du mal à reconnaître leurs limites ou leurs difficultés. Donc il y a un lien entre le choix d'une étiquette et le milieu social dans lequel cette étiquette va, on pourrait dire, s'épanouir, se développer. On pourrait faire une sorte d'écologie, comme les chercheurs de Chicago au début du siècle, pour les catégories et montrer comment certaines catégories vont être mieux adaptées peut-être aux problèmes, aux circonstances, aux enjeux, à la culture de certains milieux sociaux et de certaines époques. Mais cet effet est aussi valable, pardon, dans l'autre sens, c'est-à-dire que la catégorie avec laquelle on va se mettre à penser son mal-être, sa souffrance, avec laquelle on va mettre en forme son ressenti douloureux ou négatif, va également avoir un impact sur la façon dont on perçoit ou on expérimente, dont on vit cette souffrance. Donc il y a un effet, on peut dire, rétroactif ou de boucle entre le succès de l'étiquette et l'effet de l'étiquette ou effet d'étiquetage, bien connu des sociologues, mais aussi de certains épidémiologistes, qui ont montré comment le fait de savoir ou d'être étiqueté, par exemple, hypertendu, ou le fait d'être étiqueté, j'ai une étudiante qui était médecin gérontologue qui avait travaillé sur cette question-là pour des malades étiquetés en tant qu'Alzheimer, comment le fait d'être étiqueté de telle ou telle maladie, mais une maladie tout à fait évidente à diagnostiquer, pouvait changer le comportement de la personne, le comportement de son entourage et finalement faire évoluer sa situation, son vécu, ses symptômes en parallèle. Alors très rapidement, il y a un exemple célèbre dans la psychiatrie interculturelle, c'est une étude qui a comparé la façon dont les malades américains se reconnaissaient à travers la notion de dépression et comment l'étiquette de neurasthénie dans les années 70 en Chine avait été largement conservée dans la nosographie de la psychiatrie chinoise à l'époque, en montrant que, à la fois, le dépressif américain et le neurasthénique chinois ne sont pas exactement le même type de malade. Le neurasthénique chinois a beaucoup plus de symptômes physiologiques, qui vont être des pannes sexuelles, des maux de tête, arythmie cardiaque, perte d'appétit, douleurs digestives, alors que le dépressif américain lui présente un tableau plus centré comparativement sur des symptômes psychiques. Et le psychiatre qui a connu ces deux types de patients, Arthur Kleinman, fait le lien à la fois entre les types de sociétés, comment dans une société occidentale comme la société américaine des années 70-80, le fait d'être individuellement inadapté et en souffrance par ce problème d'adaptation personnelle et individuelle était tout à fait pensable et imaginable, même s'il était stigmatisant. Alors que dans ces Chinois des années 70, c'était beaucoup plus difficile à concevoir et que finalement une étiquette comme celle de neurasthénie, qui mettait plus l'accent sur des aspects organiques et physiologiques, était plus politiquement correcte. En même temps, les malades étaient amenés à exprimer peut-être leur souffrance, leur mal-être, dans des formes différentes, en étant traités par des psychiatres pour des dépressions aux États-Unis ou pour neurasthénie par leurs homologues en Chine. Autre exemple aussi, c'est sur le syndrome de stress post-traumatique, donc qui est une histoire relativement ancienne, mais qui va être reconnue en tant que telle après la guerre du Vietnam. Et certains psychiatres ont observé comment le décalage entre l'événement potentiellement traumatisme et l'apparition des troubles pouvaient se raccourcir, du fait même de l'existence de cette catégorie et de son utilisation par les psychiatres et par les malades.